enfin, où il va, celui-là? Il y a quelqu'un qui va entrer. C'est rien qu'un gamin grassouillé. Un gros gros. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Ça, j'en ai aucune idée. Ouais, mon plan marche. Un gros. C'est vraiment très étrange. Bonsoir, bienvenue à la folie choquée numéro 18. Oui, nous avançons en nombre. Eh oui. Alors, nous sommes au mois de septembre et puis nous allons vous présenter de la musique ce soir. C'est un mois assez particulier. Un paquet d'événements. Ce soir, j'ai écouté. Excusez, pardon. J'aime ça faire des jokes. Ce soir, j'ai écouté Tous pour un et c'était le spécial La Petite Vie. Oui. Puis je sais pas pourquoi, on dirait que c'est rien que des femmes qui s'intéressent à la petite vie dans ce cas-là. C'est que des femmes qui étaient. Ben, la plupart étaient des femmes qui s'entraînaient à répondre aux questions. Et puis, c'était vraiment pourri, j'ai eu ça. C'est vraiment de la merde. Là, j'ai écouté une émission qui était vraiment. Qui partait mal parce que, je sais pas, Louise Cousineau, là, tu sais, celle qui fait. Louise Cousineau! Pas capable d'avoir une voix rauque de femme. C'est un genre de. C'est un genre d'handicap que j'ai, une incapacité particulière. Bon, elle a dit que ça allait être pourri. Finalement, moi, j'ai aimé ça beaucoup. Ils ont commencé par... c'est une bonne émission, en tout cas. Ils ont parlé de plusieurs émissions pour dire qu'il y en avait une couple, c'était pourri. Il y en avait une couple qui aimait ça, mais en sous-entendant qu'ils aimaient ça, écouter ça parce que c'était pourri. Puis la mort est vraiment trop. Moi, je l'aime. Je sais pas, je la trouve cute. Je sais pas pourquoi je la trouve cute, en tout cas. André Robitaille, il est spécial, mais c'est pas lui qui fait le show. Fait que. Tant mieux. Ouais. À part de ça, oui. Ouais. Je vais parler du livre Le Secret. Alors, note à moi-même, après. après la prochaine tune, la prochaine musique, la pièce musicale, je vais essayer de dire ce que je pense du livre Le Secret. Et puis, j'espère que vous ne l'avez pas lu. Ben, vous pouvez l'avoir bien lu, mais si c'était pour la lire, en tout cas. Et je vais aller m'acheter des cochonneries au dépanneur, quelque chose que je fais à peu près deux fois par année, c'était à soir, puis là, je vous en parle, cochonneries dépanneur. Moi, par exemple, j'aime pas le sucré, fait que je vais essayer de trouver du salé. C'est ça. L'émission était commandée par un spécial spatial de mon dépanneur, qui c'était du Popper Ice Hard. Arôme de vodka flavor. C'était pas ben bon, mais ils vendaient ça à 5$ pour 3. Je me suis dit, bon, ben, je vais les encourager. Émission avec des S. des artistes en S. Du grissage. Et puis, du grissage. De la musique de fou de bon. Puis, du chalabi. Vraiment, du Chris de bon stock. Bonne émission. Alors, bonne écoute. Ça va être une pièce de grichage assez longue. Satan Tornado! Satan Tornado! Et puis, c'est le gars de Merzbow. Bonne chance.

Alors, pour faire honneur à Chantal Lamarre, qui disait dans l'émission Sonic la TV. Alors, TV, bien sûr, une émission qui gagne à être regardée. Ben oui. Alors, elle disait que les émissions culturelles, c'était un peu de la chenoute à la télévision parce que ça s'adressait au plus large bassin de population pour pouvoir, dans le fond, vendre la publicité, entre les pauses publicitaires, ils vendent la publicité, OK? Et puis, il y a des gens qui écoutent, ben, puis ils font de l'argent. Puis, c'est les émissions qui font le plus d'argent qui vont passer à la télévision, qui vont avoir à Londres. Fait que là, elle se disait, Chris, il peut pas y avoir d'émissions culturelles dans ces conditions-là. Et puis moi, je dis, ben c'est sûr qu'elle a raison. Tu sais, tout le monde sait qu'elle a raison. Alors pourquoi ils appellent ça des esti d'émissions culturelles, câlisse, non? Une émission culturelle, il faut que ça soit un peu plus pointu. Il faut que ça soit culturel. Il faut pas qu'il y ait que des BS qui écoutent parce que... Fait que moi, je suis... ça me dit que c'est une émission culturelle, câlisse. Il y a personne qui écoute. C'est pointu, puis ça ne s'adresse pas à vous. Ouais. Bon. Fait que, c'est ça. Là, je suis allé m'acheter... Ouais, c'est ça, je vais parler du livre Le Secret, mais j'ose. On est rendu à 15-20 minutes. Je bois de l'eau citron. Je suis allé m'acheter au dépanneur des Corn Nuts Ranch. Ça, c'est des grains de maïs retirés. Rôtis. Et puis, regardez bien comment c'est bon. Checkez bien ça. Comme s'il y avait un party dans ma bouche où tous les invités ont vomi. Mais non, c'est sûr, je le sais. C'est une blague qu'ils ont déjà dit à Futurama. Puis je me suis dit, je suis tellement ordinaire, je vais m'en raconter. Tout le monde est prêt. Mardi prochain à Saint-Jérôme. Il va y avoir la commission Bouchard-Taylor sur les accommodations raisonnables du Québec, bien sûr. Ça me tente bien d'y aller. Dans le fond, j'ai pas mal eu une invitation pour y aller. Puis, j'ai vraiment le goût d'y aller. C'est tellement drôle. J'ai hâte de voir ce que les gens vont dire. Ce qu'ils ont passé à la télévision, souvent, c'est des choses assez... des événements un peu cocasses de personnes qui n'avaient pas vraiment d'habilité d'élocution, comme moi. J'ai pas vraiment d'habilité d'élocution, tu sais, mais je suis tout seul chez nous dans mon salon, dans ma chambre, en train de jaser avec un micro et un ordinateur. Un endroit que je suis quand même assez à l'aise. Mais n'importe qui est à l'aise dans sa chambre. Moi, c'est juste que j'ai un ordinateur qui m'enregistre. Après 18 émissions, ouais, je suis pas mal. Mon ridicule, il m'empêche pas de dire n'importe quoi. Il m'empêche pas. Exactement. Ma phrase était bonne. Alors, j'imagine que devant une commission, moi aussi, je serais sûrement un petit peu gêné, puis je bégayerais, puis j'allais une autre fois que ça l'y a. Fait que c'est un rendez-vous en direct de Saint-Jérôme à la commission Bouchard-Taylor. Prochain podcast. Si je me trouve un dictaphone, watch out. Hein? Prochaine émission, groupe que j'adore, un de mes groupes les plus préférés de l'univers, de tout l'univers, puis peut-être même ailleurs, vraiment un groupe, mon groupe préféré, qui est seulement qu'un essai. Dans le fond, ils ont fait seulement que 5 tunes. Là-dedans, il y en a seulement que 2 que j'aime. Imaginez dire que t'as un groupe préféré, il a fait qu'un 2 tunes. Puis là-dedans, la préférée des 2, ben, ce que je vais passer, c'est ça. Alors, c'est Schéma. Vraiment fou, hein, comme préférer la toune de l'univers. Ça s'appelle Ecolalia Curvilinière. Ah oui, en passant, ça vaut quasiment la peine de compter ça. La toune que vous venez d'écouter de Satan Tornado. Satan Tornado. Je m'en rappelle plus, là. Satan. Et là, calé, c'est où? Sat. Fuck. On cherche le titre. C'était testiculaire quelque chose. Sérieusement. Bon, on va le savoir tout de suite. On va remettre le CD dans le style de... On va voir avec IMDB, là. Ça, c'est vraiment poche, parce que je voulais le savoir tout de suite. Ouais. C'était Testicular Fortitude. Satan Tornado. Testicular Fortitude. Ah, les artistes, c'était le nom de l'album Satan Tornado. Satan Tornade en français. Les artistes étaient Masaki Akita et Russell Aswell. Alors, c'est ça. C'est ce qu'on appelle un bout moyen. Et j'en suis fier. Schéma. Ecolalia. Ecolalia curvilinéaire. Ça, c'est vraiment bon. Alors, enjoyez. Salut! Oui, alors bon, c'était une incroyable pièce musicale du God of Hovercraft. Et puis, je pense que c'était la chanteuse de Stereolab qui est arrivée un accident malheureux qu'en 2001, elle est décédée. C'était Mary Taboire. De bâtard. Marie Hagen. J'ai ça quand c'est une artiste qui meurt que j'aime, que je me rappelle pas de son nom par cœur pour être sûr et certain. On va chercher une chance qu'on a du Google. Elle n'était pas populaire, on va rajouter du texte, Stereolab. Ah, Mary Hansen, Hagen, Steve de Taboire, Arson. Ouais, ok, Mary et Arson. Hansen, non, c'est une astuce d'erreur. Ils font des erreurs de la mort. Un R puis un N, c'est pas la même lettre, c'est Mary Hansen. Yes. Oui, il était arrivé un accident malheureux. En tout cas, j'étais bien triste cette fois-là. C'était ça, c'était schéma. Je commence à m'endormir. Alors, je vais parler. Prochaine tune, ça va être du Scorn. Scorn, c'est un genre de musique électronique inspirée du hip-hop. Instrumental, là, dans le fond, c'est juste de la bass, rien qu'un de la bass. C'est pas épeurant, mais ça teste les speakers. Fait que testez vos speakers si vous voulez. Les écouteurs, là, c'est pas. C'est pas de la. C'est ça. Ça marche pas aussi fort dans les écouteurs. Ouais, le livre, Le Secret, là, ça parle, tu sais, des affaires comme. Ayez une. Chantal Lamar n'a parlé à Infoman, ça m'a comme pompé, parce que j'étais déjà pompé d'avance, puis elle m'a aidé à me repomper, à savoir que j'étais pas tout seul à être cave, et à trouver ça complètement débile d'avoir une pensée positive. Ben là, excusez-moi, pardon, là. Je trouve pas ça cave d'avoir une pensée positive, et je trouve ça très agréable d'avoir une pensée positive. Mais il faut juste comme se réveiller et puis avoir une pensée positive, là, ça sert à uniquement une chose. Être agréable d'avoir une pensée positive. Dans le fond, à tous ceux qui pensent qu'avoir une pensée positive a une influence sur l'univers, ben de la merde, hein? C'est le travail que vous faites qui a une influence sur l'univers. Et puis quand on entend univers, dans le fond, non, parce que l'univers c'est tellement grand que sur une échelle de cette dimension-là, faites le travail que vous voulez, ça n'aura jamais aucune esti d'influence. Fait que, imaginez avoir une attitude positive, comment ça peut influencer quelque chose que même si vous travaillez toute votre vie, ça ne peut pas influencer. Imaginez, ça n'a aucun sens. OK? C'est bien beau, la pensée magique, c'est bien beau de rêver, mais c'est parce que si vous avez des projets et vous prenez des décisions importantes pour réaliser vos projets, aussi bien avoir une attitude réaliste. Tu sais, dans le fond, c'est pas la magie qui vous aide à réussir vos projets. C'est de prendre des bonnes décisions, puis d'essayer d'avoir une attitude réaliste, dans le fond, puis dire, est-ce que ce que je vais faire comme travail va m'aider à réaliser mon projet? Parce que si vous avez un projet écœurément beau, mais que vos... tu sais, tous les gestes que vous allez faire... vos comportements que vous allez faire n'ont aucun lien avec le projet. Ça ne marchera pas, même si vous avez une hostie de pensée positive. Puis si ça marche, là, ben c'est une hostie de bad luck. Puis ça n'a aucun hostie de rapport avec votre pensée positive. C'est de la luck. Alors, ne remerciez jamais personne. Remerciez jamais la chance. La chance, c'est pas un être. C'est pas un être qui s'ennuie, qui a besoin d'être remercié. Calvaire, non. N'ayez pas de gratitude envers les personnes dont vous ne savez pas quels sont les impacts qu'ils ont eu envers vous. Essayez de découvrir les impacts puis les choses qui ont des impacts. That's it. Arrêtez d'être magicien. Non. c'est de la merde. Dans le livre, le secret, il dit de vous éloigner des personnes qui sont malades, de vous éloigner des personnes qui ont des mauvaises attitudes, de vous éloigner des personnes qui pognent des tickets de vitesse. Moi, je dis, éloignez-vous, donc, éloignez-vous des personnes qui ont des attitudes et des comportements qui nuisent au projet que vous voulez réaliser, mais de façon claire. Si vous n'êtes pas capable de réaliser qu'est-ce que c'est que des attitudes, des comportements de façon claire, allez donc chez... allez donc consulter, s'il vous plaît. Arrêtez de croire à la magie. Ça va vous nuire. OK? Tu sais, la béatitude, là, c'est bien cute, mais... Si... Pognez quelqu'un d'intelligent, puis vous allez avoir l'air fou. Puis ça sera peut-être pas moi, parce que je suis pas nécessairement intelligent. Mais je suis capable de voir que quelqu'un béatitude, là, quelqu'un qui est en tout... je suis pas capable de trouver le mot, là, mais vous savez bien que quelqu'un qui admire des niaiseries, là, c'est complètement débile. Admirez des choses, puis dites que vous les admirez seulement parce qu'elles sont belles, mais pas parce qu'elles ont une influence sur votre vie autre que d'être belle puis vous rendre de bonne humeur. Hein? Pas parce que vous demandez à quelqu'un à l'univers de vous aider puis de gagner 1000$ que vous allez gagner 1000$, puis pas parce que vous allez signer des chèques à votre nom avec un montant que vous allez faire ce montant-là, vous allez pas avoir plus de chance, parce que dans ce cas-là, l'économie va tomber, tabarnak. Puis on sait très bien que l'économie tombe pas pour ces choses-là, elle tombe à cause de crosseurs et de gouvernements qui empochent de l'argent, comme, je sais pas moi, l'Argentine, ces affaires-là. Et Cuba, puis... C'est une niaiserie même là, qui arrête pas de niaiser avec leur argent. L'argent du monde. Là. Tous les pays pauvres là, qui font des passes d'argent avec les dons qu'on leur fait. C'est ça qui fait fucker l'économie. C'est pas parce qu'on a une pensée magique puis on signe des chèques à 2 millions à notre nom pour dire qu'on a plus de chances de gagner. L'économie tomberait de toute façon bien plus rapidement si on ferait ça, puis si ça marcherait, ça aurait un impact. J'ai de la misère à penser comment qu'une personne pourrait avoir une belle attitude, une bonne attitude, et puis avoir plus de choses dans sa vie que le voisin qui a la même belle attitude. Qu'est-ce qui ferait la différence? Est-ce que c'est parce que la personne a plus d'argent dans son compte ou un quotient intellectuel plus élevé? Hein? On s'embarque dans des astuces niaiseries, c'est épouvantable. Je vous le dis, c'est épouvantable. Puis à peu près 70% du monde qui croit à ça déjà comme faire, puis qui sont insultés par ce que je viens de dire. Imaginez, pensez juste un petit peu plus, puis essayez d'avoir une autocritique, puis ça vient tellement s'effondrer, c'est épouvantable. Puis c'est pas juste parce que j'ai une mauvaise foi, c'est juste parce que j'y ai passé 5 minutes. T'sais, pensez-y 5 minutes, puis si vous êtes pas d'accord, 10 minutes, ça va être incroyable. Imaginez comment que vous allez pouvoir m'aider à mettre des mots dans ce que je veux dire, si vous y pensez plus longtemps que moi, même si vous êtes fervent. En tout cas, bon, Scorn en face. Et puis, ça va être la toune Still On. Rum, c'est ça. Ça fait du bien. We'll be right back. Bon retour. Alors, c'est peut-être en voie d'être une émission où il y a le moins de tunes de tous les temps, de tous les tons, de tous les fonds, et puis de tous les environnements. Oui. Alors, dans cette émission, nous avons parlé de, je sais pas moi, de politique, de malades psychiatriques, de poussées péristaltiques. Puis, j'ai même pas mis tout ça en pratique. Et beaucoup, beaucoup d'autres. alors, c'était du Scorn, c'était ordinaire. J'allais dire, j'avais dit qu'il allait y avoir plein de crises de bonnes tunes de la mort. Mais il va y en avoir une sur deux de la mort. Parce qu'il y a eu Schema, qui était pour moi de la mort. La mort, la muerte. Mais maintenant, ça s'équivaut avec du Osama. C'est Osama Chalabi qui a un nom qui fait pas honneur en ce moment, là, malgré que c'est un beau nom. Là. Mais en ce moment, depuis 10 ans, là, ben pas 10 ans, mais depuis 6 ans, ça lui fait pas honneur, pauvre de lui. Je l'ai rencontré dans son show, il était vraiment très très sympathique, il m'a dit que j'avais une belle chemise. Ouais. J'ai gardé la même chemise, puis après ça, je suis allé à l'auberge du Dragon Rouge, puis la serveuse qui avait un accent français, parce que vous savez qu'elles ont des genres de rôles, des personnages. Mais elle m'a dit que j'avais un beau pyjama. Alors, ce que j'ai fait avec cette chemise-là, je suis allé m'en acheter une deuxième exactement pareil. Là, j'ai deux chemises, deux fois la même collier de chemise. Oh, tabarnak. Oh, je te dis, hein. J'ai même vu du monde qui l'ont, là. J'ai vu 3-4 personnes qui ont la même chemise que moi. Là, si tu fais des mauvais moves dans la vie, c'est pas grave. Je m'en calisse. C'est pas rien que là-dessus que je suis jugé. Alors, la prochaine tune et la dernière tune et bonne soirée, ça va être du Osama Chalabi. Avec la pièce... Le titre de l'album, c'est Osama. Et puis la pièce, c'est Shitmobile USA Adam Frank and Anne. Shitmobile, virgule, USA, entre parenthèses, Adam Frank Anne. J'imagine que il est mal écrit, mais de la merde. Bonne fin de soirée. Et puis, ce fut une bonne émission. 20 septembre, la dernière. Nous sommes au dernier 30 minutes de l'été. Dans 30 minutes, l'été est fini. Allez. Ouais. You gave me my vulva. You know, give it back to me. That's my vulva. Oh, okay. That's my vulva. But now everything's changed. I guess so. You think? Sure. I think it's really left a lasting impression. I don't know. Don't you think it's just a management problem? Like a speckled herring, it is. What? It's a vagrancy problem. That's what it is. Speckled what? Vagrancy. Vagrants. Are you trying to tell me something? Look. I guess I've just been feeling really fickle. Fickle. Don't you think it's time to decide, like, what's really important? Well, I do wish I had a mandate. Do you have a mandate? What's your mandate? Sandblast, rack of blast. Whoa, that's really heavy. Sorry. No, it's okay. I think it's important. You know, I should be able to hear that. Things like that, without getting too upset. I guess I've been upset. Well, that's understandable. No, I mean, I've been, like, you know, really sort of upset. Kinda numb. Like, a little sapped or stalled? Yeah, like, kind of Saturn. Simpering? Yeah, it's time to wake up. You know, open my eyes, be vigilant. Yeah. Get clipped and favored? Seize the day. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Welcome to my themeless world. Popular? I mean, do you feel popular? I feel like a cute rascal. Really? I've always wanted to feel like a cute rascal. And now finally, I do. I can, and I do. That's great, partner. That's mighty pliable of you, Mangle. So what's your problem anyway? Pass the saffron. Okay. Brow lower. I don't know. Just sometimes I feel like a radio villain. May as well call a rear guard M to it all, then. Like, we're not really connected. I wish we were more connected. Isn't there something we can do? You know, to help? This helps, right? Talking, trying to make sense of the whole thing, you know. I guess. Why not? I went on. Time out. Make room. Open up. It's like Alakazam, and it's gone. They're gone. It's like Larva and a Doomsday device. It's like Stroll Kentucky Ketchup Chucky. All you can do is just hold on, man. It's so true. It's like entropy to the nth degree, man. So right. It's like the timing is totally off. Time for a timely cave retreat. Exactly. Remember, forget. I'm all a quiver in the cradle. Why can't we all just get along? Decline to flatter or fly. We gotta get back to our roots. Back to the fundamentals. Babies, the kinks and boots. In a way, it's really good. You gotta see the positive in all this. It just strips away what's not essential. I know. Merry Christmas. I do too, baby. You know, I just feel like reading some Shakespeare. Me too. Time for some home cheese. Cat me. Dude. Figure. I've told you everything. I know. It's so great. I'm feeling really connected now. Yeah, it's great to be back, like men. We can go from here. Yeah, we can go. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.